Salut, salut, salut, comme tous les dimanches sur Radioactive, le 100 FM à Toulon et le radio-active.net partout ailleurs dans le monde, c'est votre rendez-vous rock, musiques expérimentales diverses et variées, Lost in Space qui attaque immédiatement avec les Lower Dance et on se retrouve tout de suite après. in line. I had to beat up for what's up to get yourself clean. You try to roll it over just to make me look new. Roll it, Jim. Time. send you. So you will never know. I got away for a little while, but then it came back much harder. Swinging on the cable of Tripoli, climbing down a ghostly wine in a battery. That light in your eyes, I searched for. been through this before. Thank you. Vous êtes bien sur le 100 FM, on a écouté Warm Soda à l'instant, nouvelle séquence qui attaque à l'instant aussi, donc vous allez le voir, c'est une séquence dont vous commencez à avoir l'habitude, l'histoire des Slits tirée à partir d'un bouquin sorti aux éditions Retruit Éditions, et vous allez voir la suite des aventures de nos jeunes filles un peu excentriques. La vie et les perspectives de Strummer changent de manière radicale, il ne veut pas être associé à son passé et se débarrasse déjà de son ancienne peau. En même temps, Paloma réalise qu'elle doit aussi changer, comme son petit ami. Se sentant dédaignée par les punks, elle abandonnera bientôt le style de vie hippie. Elle se coupe les cheveux et cherche un moyen d'expression créative qui lui corresponde. Naturellement, elle prend aussi un surnom. C'est venu de Paul Simonon, le bassiste des Clash, dit-elle. En se promenant, nous plaisantions. « Comment tu t'appelles ?»« Je m'appelle Paloma. » Comme c'était un nom espagnol, il avait du mal à le prononcer. Il a réfléchi et a dit « Palmolive ?» J'ai trouvé ça drôle, alors je l'ai gardé. Avec un nouveau nom, une image insolite et une bonne dose de courage, Palmolive est prête à affronter le monde. Même si Joe la laisse largement se débrouiller, ses premiers encouragements sont suffisants pour qu'elle passe au chapitre suivant et entre dans l'histoire en tant que fondatrice d'un des groupes les plus célèbres de l'ère punk, bien qu'elle ne le sache pas encore. L'apathie était devenue l'urgence. Palmolive était plus que préparé à embrasser quelque chose de différent. Il n'importait pas d'être pragmatique ou raisonnable, ni de savoir si les parents l'approuveraient. C'était plus important de ne pas se plier aux attentes des autres, ce qui vous aurait limité, pour faire quelque chose hors du commun et voir qu'il pouvait en ressortir quelque chose de magique. Palmolive raconte « Joe Strummer y était pour beaucoup dans tout ça. » Nous avions vécu ensemble environ 2 ans et il était à fond dedans, le punk. J'étais curieuse et vraiment fatiguée de la scène hippie. Je voulais du changement, peu importe de quelle nature il serait. J'ai pensé que c'était amusant, je n'y ai pas vraiment réfléchi à vrai dire, j'étais assez dingue pour pouvoir le faire. Je m'en foutais pas mal et c'était très excitant. Bien que Palmolive se soit fait connaître en jouant de la batterie, ce ne fut pas son premier choix. Initialement, elle voulait faire du mime. Le problème était que les troupes de pantomime avec qui elle avait voulu travailler recherchaient plus une personne qui puisse les accompagner à la batterie pour leur représentation. Ne serait-ce que pour y être intégrée, Palmolive a continué sur sa lancée et a pris ce boulot. Comme je voulais faire du théâtre, j'ai rejoint cette compagnie, explique-t-elle. Nous n'étions pas vraiment soudés, mais je me suis mise à la batterie et oubliais le mime. Et naturellement, tout le monde commençait des groupes. Joe était dans les clashs et ça fusait autour de moi. Je n'avais encore jamais pensé jouer de la batterie. J'aimais danser. Je suis plus une personne physique. Alors quand j'ai voulu monter un groupe, l'idée de se déplacer mes doigts sur un manche de guitare ne m'attirait pas. Je préférais la batterie. J'aimais le rythme avant tout et j'avais cet instrument chez moi. La mélodie n'était pas mon point fort. Quand Palmolive se met à la batterie, elle apprend toute seule. Même si ce n'est pas elle qui enregistrera avec les Slits sur Cut, sans doute leur meilleur album, les années précédentes, ses performances scéniques et ses rythmes enlevés resteront inoubliables et elle sera créditée pour avoir créé un style unique. Don Letts. Palmolive, c'était quelque chose à voir sur scène. Elle faisait penser à un John Bonham punk rock. Elle avait un jeu de batterie intense et c'était une furieuse. Le premier groupe avec qui elle joua était The Flowers of Romance, un groupe maintenant légendaire, bien qu'il ait fait très peu de concerts et d'après leurs propres aveux, qui n'assurait pas trop. Sid Vicious et Viva Albertine étaient également dans le groupe, avec Joe Fall et Sarah Hall, les petites amies des Sex Pistols, respectivement Steve Jones et Paul Cook. Ce groupe n'était peut-être pas très en place, mais comme beaucoup d'autres des débuts du punk, tout était question de concept. Les Flowers of Romance étaient un manifeste contre la sentimentalité, la sensualité et l'amour romantique. L'image du rock'n'roll était saturée de sexe et les punks, principalement, estimaient que cela devait changer. Viv explique, c'est John Lydon qui nous a appelés les Flowers of Romance. Il y avait un aspect cynique dans tout ça. Nous étions des fleurs, ce qui va de pair avec la sentimentalité. C'était une époque cynique. C'était les 70s, tout était au rabais avec une vision formelle de la vie. On ne croyait pas ce qu'on nous racontait. C'était contre l'idylle. Et tout le truc de l'amour fabriqué, enfin l'amour romantique était fabriqué. Les punks en avaient conscience et tournaient cela en ridicule. Trapped in a flood pond, but at least it's raining. faisait chier Mick Jones car c'était un mec très romantique. Quand nous étions ensemble, c'était notre premier amour pour tous les deux, tu vois. Je ne voulais pas lui tenir la main, je ne voulais pas qu'on nous voie nous bécoter, c'était contre nos convictions. Mais il voulait être lui-même une personne romantique et tendre. C'était ridicule, mais en un sens, il était vraiment plus équilibré que moi. Le groupe répétait dans le sous-sol du squat à Joe à Walterton Terrace pendant l'été étouffant de 1976. Je me souviens d'avoir eu à trimballer cette guitare qui pesait une tonne du métro jusqu'au squat pour survivre. Au départ, il n'y avait que des filles dans le groupe et quand Syl nous a rejoints, nous avons trouvé ça cool. Il était au saxophone et sautait en l'air. J'étais à la guitare, Palmolive à la batterie et Sarah à la basse. Mais nous ne savions pas trop ce que nous faisions. On ne savait pas jouer ni comment vraiment s'y prendre pour écrire une chanson. Travailler avec Syl Vicious n'était certainement pas une aubaine pour arriver à un résultat satisfaisant. C'était bien d'avoir un garçon dans un groupe de filles, mais la nature impétueuse de Syl prenait le dessus sur la créativité et freinait l'évolution du groupe. Syl n'était vraiment pas facile à vivre, se rappelle Vive. Il était tellement à cran qu'il n'était pas trop possible de se poser ensemble pour écrire une chanson. Kiss Levine rejoint également la formation pendant une semaine, mais le groupe se dissout quand Palmolive refuse de succomber au charme de Syl. Se faire rembarrer le blessa tellement dans son amour-propre que le groupe n'y survécut pas. Palmolive reste incrédule à ce jour. Syl Vicious a viré tous les membres du groupe, dit-elle en riant. Nous venions de répéter dans le squat où je vivais avec Joe et tous les autres étaient partis à part lui et on s'est retrouvés tous les deux seuls. Il restait là et essayait de flirter avec moi. Je ne l'aimais pas du tout et d'abord j'étais avec Joe. Je n'ai pas apprécié ses manières. Il voulait quelque chose évidemment et j'étais tellement naïve. Je me demandais pourquoi il ne s'en allait pas. Puis mon ami Timon Dog des 101ers est entré et la conversation a changé. In me pocket, put the rest under the jacket. Talk to the cashier, warn suspect. And if he does, and if he does, Joanna, Joanna, Joanna, Joanna. 10 quid for the lot. We pay fuck all. Babylonian won't lose much, and we have dinner tonight. Trying to watch us, mirrors on TV, but they're not gonna catch us, cause we're gonna, gonna, gonna run, run, run. Dorada, Dorada, Dorada, Dorada, run! $10 for the lot, we pay fuck all. Babylonian won't lose much, and we have dinner tonight. Dorada! Avait une technique de séduction pour le moins peu conventionnelle. Comme on peut l'imaginer, essayer de choquer était ce qu'il pouvait faire de mieux pour attirer l'attention de Palmolive. En discutant, il faisait tout d'un coup des remarques du genre « Je hais les Noirs », ce à quoi je répondais « Ah ouais ? Eh bien, je hais les gens qui haïssent les Noirs ». Il va de soi que cela n'a pas pris, ce qui ne signifie pas que je pense qu'il faille être en parfaite corrélation avec quelqu'un pour jouer ensemble dans un groupe. Mais à la répète suivante, il a dit « T'es viré du groupe ». Et j'ai répondu « Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour qui tu te prends ?» Et il a fait « Parce que tu ne fais pas l'affaire. » Vraiment charmant. Avec le recul, renvoyer bizarrement quelqu'un ainsi apparaît comme une version punk de ce qui se produit dans des situations de travail partout dans le monde. L'employé qui refuse les avances de l'employeur ne fait soudainement pas l'affaire et se fait flanquer dehors, et cela s'est transmis aux membres du groupe. Ce fut perçu comme une onde de choc, mais cela s'est avéré positif à long terme. À quelque chose, malheur est bon. Cela poussa Palmolive et Vive à quitter le groupe et à étendre leurs activités, à devenir indépendantes, à travailler avec d'autres personnes et à écrire leurs propres chansons. Ça m'a fait de la peine et je me suis dit que ce mec était un imbécile, se rappelle Palmolive. Mais je m'étais mis sérieusement à la batterie et je voulais monter mon propre groupe. Vive ajoute, Syl nous a virés, mais c'était aussi bien, vraiment. Quand le groupe a splitté, je pouvais écrire des chansons beaucoup plus facilement. C'est à cette période que les Heartbreakers sont venus des États-Unis et ont apporté la drogue dans la scène. J'ai joué un moment avec Johnny Saunders, mais là encore, je ne me sentais pas assez à l'aise. Naturellement, les Heartbreakers ont aussi amené avec eux la tristement célèbre Nancy Spungen. Elle a rapidement mis le grappin sur un site tendre et sentimental. Pendant que ce dernier était occupé à tomber sous le charme de Nancy, Viv travaillait dur pour progresser musicalement. Les Heartbreakers étaient passionnants mais très masculins et Viv trouvait cela étouffant. Pour Viv et Palmolive, il était primordial de pouvoir s'affirmer en tant que fille à l'écriture de chansons sans qu'on attende de vous que vous composiez à la manière d'un garçon. Elles avaient besoin de se sentir libres. Elles retravailleront bientôt ensemble, cette fois avec une autre fille, ayant évolué dans l'esprit du punk et répondant du surnom improbable d'Harry Up. Vous êtes bien sur le 100 FM. Juste à présent, c'était Les Slits avec la continuation de la découverte de ce magnifique groupe. Et on va passer un peu maintenant à une session plus à la fois musicale, toujours, mais un peu plus politique avec un texte sur l'économie distributive que l'on va avoir en deux parties ce soir. Une première maintenant et une deuxième après. Oh.

And is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me. And is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me. I mean, is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me. That's right, is this what you wanted? Bien qu'il soit encore présenté comme aussi immuable qu'une loi de la nature, le système économique qui aboutit à ces catastrophes ne règne que depuis environ 2 siècles. Il repose sur le postulat libéral hérité d'Adam Smith 1723-1790, selon lequel l'intérêt général est la somme des intérêts particuliers, aussi égoïste soit-il. Il faut donc tout libérer, laisser faire, laisser passer, car la main invisible du marché trouvera alors naturellement ce qui est le meilleur pour tous. Yeah. mais au lieu de mener au bonheur annoncé, il conduit au suicide collectif. Il est de plus en plus flagrant que le postulat libéral est faux. Les résultats sont éloquents. Au plan mondial, entre 1960 et 1993, la part des 20% des habitants les plus riches de la planète est passée de 70 à 85% du PIB mondial, alors que celle des 20% les plus démunis diminuait de 2,3 à 1,4%, de sorte que 1,3 milliard de personnes vivent dans une situation de pauvreté absolue, avec moins de 1 dollar par jour. Ainsi, en 1996, 358 personnes disposaient des mêmes ressources financières que les 2,3 milliards les plus pauvres du monde. Aux États-Unis, les 2000 milliards de richesses supplémentaires créées se sont accompagnées d'une baisse de 20% des salaires, alors que plus de la moitié en a été accaparée par 1% de privilégiés. En France, les revenus du patrimoine ont doublé entre 1982 et 1995, tandis que la part des salaires dans le PIB a baissé de 9,1%. Could this song last all night? La mondialisation des marchés, dont celui des capitaux, qui devait apporter la prospérité à tous les pays, c'est une bulle spéculative qui peut être estimée à 90 fois le montant des exportations de l'économie réelle. C'est encore et surtout la possibilité pour les entreprises transnationales d'échapper à tout contrôle et de fonctionner au mieux de leurs seuls intérêts. Aussi les voit-on produire là où les salaires sont les plus bas, faire assurer les tâches de secrétariat et de gestion grâce au télétravail, dans les pays où les droits du travail ne sont pas respectés, transporter à moindre frais leurs produits sous des pavillons de complaisance, vendre là où les prix peuvent être les plus élevés et installer leur siège dans un paradis fiscal pour échapper aux lois, règlements, taxes et impôts en usage dans leur pays d'origine. Thank you. Instant, groupe lyonnais dont on a passé pas mal de morceaux. Vous avez peut-être reconnu le chanteur pour ceux qui ont qui sont les fidèles de cette émission. C'est donc le fameux Eric Chabert qui a sorti un album avec Klimperet dont on a fait nos beaux jours en tout début d'année. Là, le morceau s'appelle Vieux con enfermé dehors et cela clôture cette petite session légèrement économique avec des textes de Marie-Laure Dugoin sur l'économie distributive. Maintenant, on se retrouve comme si on était en 1981 avec des morceaux exclusivement de cette période. C'est la nouveauté à l'envers. Welcome to Total Pop's band called UK Subs, who've gone through quite an image change, as you're about to see, with their brand new single called Keep On Running. Do a big sigh and listen gently to keep. Dusty and miserable, you think you can't see anymore. Dusty and miserable, I'll wait for you.

wish I could tell when necessity calls. I wish I could tell. It's just loving. Thank you.

Wait. caminho da fábrica ou do estaleiro. E na próxima fuga entra na pele do animal que o torna agressivo. Reputação ideal. Et oui, en 1980, il y avait aussi des groupes Cold Wave, New Wave, portugais, comme on l'a eu à l'instant avec le UHF qui sortait Rapaz Caleidoscopio do Disco à Flor d'Appelé, 1980. On continue donc toujours dans les années 80, cette fois-ci avec des morceaux qui ont été moins confidentiels, plus mainstream. C'est donc le début d'une nouvelle séquence concernant les meilleurs singles de ces années 80. Et le premier avec lequel on va commencer, c'est Peter Murphy, le chanteur de Bauhaus, qui va chanter Cuts You Up. Vous êtes bien sur le 100 FM, Radioactive, éclatez-vous. Find Don't you walk and spit you out? Eat you, walk, even never shout. somewhere where you can get the interest? How do you know what my best interest is? How can you say what my best interest is? What are you trying to say? I'm crazy? When I went to your school, I went to your churches, I went to your institutional learning facilities. So how can you say I'm crazy? Say no to things for my secrets, I'm gonna never take my time and think I had better me, I'll be dead. Among the pure, got money, let's go dancing on the backs of the bruised.